si les actes avaient été commis à Sept-Îles, ce serait le centre d'action bénévole de Sept-Îles qui se serait occupé de lui. OK. Pour le superviser. Ouais. Si ça avait été fait à Drummondville, l'organisation anti-pauvreté se serait occupé de lui. Mais étant donné que les travaux communautaires seront faits dans la région de Montréal, il n'y a rien qui nous indique qu'il va faire ça à Québec. Il n'est pas obligé de faire ça à Québec. C'est à Québec à cause de Maurras qui reste à Québec. Alors, croyez-le ou non, mais c'est le YMCA qui va s'occuper de Gabriel Nadeau-Dubois. Ah ouais, mon Gabi! Frotte un peu plus fort! C'est ça la version originale? Oui. Parce que c'est le YMCA qui s'occupe des travaux communautaires, YMCA du Québec. Donc, on va l'envoyer dans un organisme pour faire du bénévolat, pour faire de la sauce à spaghetti, peut-être, pour travailler auprès des pauvres. C'est pas très compliqué. Il y a 800 organismes partenaires du programme. Donc, on va piger dans la liste et on va le faire frotter, le faire nettoyer, lui faire faire la popote, lui faire faire du lavage. Tout ça par la YMCA. Bienvenue, Gabriel Nadeau-Dubois. Et vous êtes dans Moralize. Morel Live. Morel Live. Radio.